franceinter.com. Officiellement, il n'en était pas question, mais l'idée a dû germer dans plus d'un cerveau des dirigeants de la coalition anti-Kadhafi. Et si, sous prétexte de protéger la population libyenne, objectif assigné par la résolution 1973 de l'ONU, on en profitait pour se débarrasser une fois pour toutes du colonel Kadhafi? Une fois pour toutes, oui. Car nombreuses ont été par le passé les tentatives d'assassinat qui ont échoué. Exactement comme si ce diable de colonel était invulnérable. Mais comment s'en étonner? Depuis sa prise du pouvoir en 1969, Kadhafi a multiplié les occasions de se faire des ennemis. En exerçant une dictature implacable sur ses concitoyens, en soutenant des groupes terroristes internationaux, en impliquant directement ses services spéciaux dans des actes meurtriers, en encourageant la subversion sur le continent africain et même en Europe, ou en tentant d'engager son pays dans des mariages plus ou moins forcés avec ses voisins, ou encore en décidant de doter la Libye d'armes de destruction massive. Bref, Kadhafi a fourni à ses adversaires de nombreux mobiles pour essayer de l'éliminer physiquement. Monsieur X se propose donc dans ce nouvel entretien de recenser ces manœuvres obscures perpétrées par des services secrets de plusieurs pays, avec parfois la complicité de Libyens opposants déclarés ou non. Et il apparaît tout de suite que la France a joué un rôle notable dans quelques-unes de ces tentatives, dont certaines gardent encore leur part de mystère. Il faut d'abord dire que Kadhafi n'a pas tardé à apparaître comme le trublion numéro un du continent africain. Pourtant, avec la France, là, ça a plutôt bien commencé, non? Ah, c'est parfaitement exact. Et ce jeune officier anticonformiste et plutôt socialiste a même été accueilli avec une sympathie certaine par les intellectuels français, mais aussi par le pouvoir. Dès 1970, nous lui vendons des mirages. Et en 1973, il est reçu à Paris avec tous les honneurs par le président Pompidou. Alors, quand est-ce que ça commence à se gâter ? Oh, très peu de temps après, au milieu des années 70, on découvre que Kadhafi encourage la subversion dans certains pays d'Afrique noire et aussi chez son voisin tunisien. Ouais, alors, autant d'anciennes colonies françaises qui demeurent sous notre influence. Hein. Et où notre pays conserve de nombreux intérêts économiques, ne pas oublier. Alors, oui. Donc Kadhafi, alors, malgré les mirages qu'on lui a vendus, là, devient soudain l'ennemi. Et à l'époque, c'est Valéry Giscard d'Estaing qui est à l'Élysée. Oui, et ordre est donné au patron du SDEC, Alexandre de Maranche, de tout mettre en œuvre pour éliminer Kadhafi. Quoi, l'assassiner ? Bah, dans ce genre d'opération, on ne dit pas les choses aussi crûment, mon cher. Mais s'il n'y a pas d'autre façon de le neutraliser, pourquoi pas ? Oui, comment s'y prend-on là ? En 1975, le SDEC réussit à persuader un compagnon de Kadhafi, un certain Meheshi, de déposer Kadhafi. Comment ? En organisant un putsch ? Un putsch, oui. Ouais. Mais ce type qui était capitaine a lui-même été trahi par l'un des conspirateurs. Et l'opération a été un échec. Ouais. Et le capitaine là, il a réussi à s'enfuir, mais enfin, je ne sais pas s'il s'en est sorti. Car Kadhafi n'a jamais hésité à envoyer des tueurs traquer ses opposants à l'étranger. Ouais. Alors le SDEC abandonne ? Ah, pas du tout, non. Le feu vert de l'Élysée court toujours, d'autant que Kadhafi a commencé ses menées au Tchad. Ouais. Ses ambitions territoriales sur la fameuse bande d'Aouzou. Ouais. Et l'aide qu'il apporte aux rebelles qui sont implantés dans le nord du Tchad, oui. Et toucher au Tchad, bah, c'est toucher à la France. Ouais, à cause des accords secrets d'assistance militaire signés avec notre ancienne colonie. Hein. Et aussi parce que traditionnellement, c'est toujours le cas aujourd'hui, nous entretenons une garnison dans ce pays relativement central qui nous permet de rayonner dans les pays voisins, au cas où. En 1977 donc, rebelote. Il s'agit alors de susciter depuis l'Égypte la création d'un mouvement d'opposition à Kadhafi. Avec l'accord du président Sadat. Bien sûr. Ouais. Lui aussi aspire à se débarrasser de son encombrant voisin. Il est même venu nous demander des conseils. En tout cas, parallèlement, on encourage des actions de commando contre la Libye à partir de la frontière avec l'Égypte. Mais cette initiative se traduit par un nouvel échec. Pas très glorieux tout ça. En tout cas, pour l'Élysée, malgré ses premiers échecs, il n'est pas question de laisser tomber. Mais pourquoi cette obstination ? Toujours à cause du Tchad. Parce que les services de renseignement ont la preuve que les Libyens sont maintenant directement impliqués dans les conflits qui déchirent le pays. Alors, pour abattre Kadhafi, on va désormais passer à la vitesse supérieure. Et quel est le nouveau plan ? Le colonel de Marolles, qui est alors le chef du service action du SDEC, imagine une opération relativement classique. Au cours de l'été 1979, il envoie en Libye un commando chargé d'assassiner le guide, comme il se fait maintenant appeler. Ces quatre hommes débarquent à Benghazi. Sous couverture, j'imagine. Bon, bien sûr. Officiellement, ils sont employés par la compagnie Elf, qui, comme vous le savez, n'a rien à refuser à nos services secrets. Leur boulot consiste en principe à construire des écoles pour le compte d'une société tunisienne. C'est crédible ? Pourquoi pas ? Mais les rares personnes qui sont au courant à l'ambassade française de Tripoli ont une mauvaise impression. Pourquoi ? Parce que ces barbouzes qui sont des vétérans des guerres coloniales n'ont pas tout à fait le physique de l'emploi, si vous voyez ce que je veux dire. Un peu trop voyant ? Enfin, qu'importe. Le 1er septembre, les quatre tueurs passent à l'action. Dissimulés sur le toit de l'aéroport de Tripoli, ils attendent Kadhafi qui revient d'une tournée en province. Et dès que le leader libyen sort de son avion, il tire. Et résultat, là ? Kadhafi est touché et s'écroule. Mais la suite est très mystérieuse et vous me permettrez d'utiliser le conditionnel. Ça veut dire que vous n'êtes sûr de rien, quoi. En effet. Alors je vous raconte. Au SDEC, on affirme que Kadhafi aurait reçu 5 balles. Et pas moins. Il aurait donc été très grièvement blessé. Et à Paris, on en est tellement persuadé que lorsque Kadhafi réapparaît un mois plus tard à la télévision libyenne, on émet l'hypothèse qu'il s'agirait d'un sosie. Et on en veut pour preuve que le visage de ce pseudo-Kadhafi serait grêlé, alors qu'on lui a toujours connu un teint parfaitement lisse. Ouais, je veux bien, mais enfin, écoutez, sosie ou pas, on s'apercevra par la suite que que Kadhafi est toujours bien vivant, donc il a réchappé de ses blessures. Oui, il aurait été opéré dans le plus grand secret à Chypre par un spécialiste parisien qui lui aurait retiré 4 balles du corps. Ouais, 4 sur 5, la dernière alors. Kadhafi aurait été envoyé à Moscou, où des chirurgiens soviétiques auraient essayé d'extraire le 5e projectile. Mais ils auraient renoncé car la balle aurait été logée trop près du cœur. Ouais, l'opération aurait pu être fatale. C'est ça. Ouais. Donc Kadhafi, enfin, utilisant toujours le conditionnel, vivrait toujours avec une balle dans le corps. C'est ce qu'on peut penser. Pardonnez-moi, mais j'ai tendance à penser que toute cette histoire est un peu fumeuse. Je ne suis pas loin d'être d'accord avec vous. Et voyez-vous, on peut même penser à une manœuvre de désinformation. Mais expliquez-moi alors. En répandant la rumeur d'un attentat auquel le leader libyen aurait échappé de justesse, on persuade l'opinion que Kadhafi n'est plus intouchable et que par conséquent, son pouvoir est menacé. Mais désolé, je ne peux rien dire de plus à propos de cette affaire. Alors d'autres tentatives, vraies ou fausses ? Oui, il faut dire que Kadhafi ne cesse d'offrir des verges pour se faire fouetter. L'année suivante, au début 1980, il essaie de déstabiliser la Tunisie du président Bourguiba. Et pourquoi s'en prend-il particulièrement à Bourguiba ? Le leader libyen considère que c'est un modéré, un féodé à l'Occident, ce en quoi il n'a pas tout à fait tort. En outre, Bourguiba, comme les autres chefs d'États arabes, a refusé le mariage que lui proposait Kadhafi. C'est une sorte de manie, là, cette volonté d'unir à tout prix la Libye avec d'autres pays. Oui, et fondamentalement, Kadhafi se verrait bien régner sur un empire regroupant ses voisins africains, égyptiens, tunisiens, tchadiens et même soudanais. Enfin, je reviens à Bourguiba. Ouais, donc Kadhafi l'attaque. Oui, à la fin janvier ou au début du mois de février, dans le sud tunisien, à Gafta. Exactement. Avec l'aide des services secrets libyens, des opposants tunisiens pénètrent dans le pays en se faisant passer pour des membres d'une équipe de football palestinienne. Une équipe de football, ça ne représente pas grand monde. Hein. D'accord. Mais enfin, il y a l'entourage, les supporters, et puis des Libyens doivent arriver en renfort. Bref, à peine arrivés, les faux joueurs de football investissent par surprise une caserne de Gafsa. Ils s'emparent des armes et commencent à les distribuer. Très vite. La Tunisie alerte Paris. Aussitôt, le SDEC envoie là-bas une équipe du service action. Des armes sont livrées par avion, des bâtiments de notre flotte se dirigent vers les côtes tunisiennes. Et bien sûr, l'affaire fait long feu. Et les Libyens n'ont pas bougé. Non, voyant que l'affaire tournait mal, ils ont prudemment abandonné. Mais ils vont se venger à leur façon en mettant à sac l'ambassade de France à Tripoli. Et à Gafsa même, alors, à que s'est-il passé ? Les insurgés résistent un peu, mais ils finissent par tomber sous les balles des soldats tunisiens et des hommes du service action. Il y a des dizaines de morts. Fin de la tentative d'insurrection ? Oui, mais à Paris, on enrage. Non seulement les Libyens nous provoquent au Tchad, où ils encouragent notoirement les rebelles, mais en plus, ils ont récemment fait les yeux doux à Bokassa. Bokassa devenu l'ennemi personnel du président français. À cause de l'affaire des diamants. Évidemment. Et maintenant, ils osent s'attaquer à un pays ami, la Tunisie. Giscard est furieux. Il faut en finir avec Kadhafi. Rendez-vous avec X. Comment justifier cette virulente hostilité française à l'égard de Kadhafi ? Il suffit de lire la presse de l'époque, extrait d'un article du Figaro, un journal proche du pouvoir giscardien. Il ne faut pas oublier trop rapidement que Kadhafi continue de représenter un risque inacceptable pour le monde occidental. Et cela, quelque séduisante que soient ces arabesques tactiques. Pourquoi ne s'en aperçoit-on pas ? Pourquoi n'attire-t-on pas davantage l'attention de l'opinion publique sur ce pays qui n'hésite pas à offrir à l'URSS la possibilité d'exercer une formidable menace sur l'ère méditerranéenne ? Ces 450 avions de combat sont souvent confiés à des pilotes nord-coréens et à des techniciens tchèques. Ces 3000 chars sont pour la plupart entretenus par des soviétiques. L'encadrement de ces services secrets est abandonné à des Allemands de l'Est et à des Cubains. Au total, plus de 5000 conseillers appartenant au bloc communiste, forme, entraîne, chaperonne et noyote les adeptes du Templier d'Allah. En 1980, une nouvelle fois, le SDEC manipule des opposants libyens et suscite une tentative de rébellion. Le pivot, c'est un commandant des services libyens, Driss Shaibi, un homme qui a même été chargé de la sécurité du leader libyen. Il est prévu de s'emparer de Tobrouk. Près de la frontière égyptienne. Puis ce sera le tour de Benghazi avant de marcher sur Tripoli. Au début du mois d'août 1980, la garnison libyenne de Tobrouk se soulève et reçoit le soutien d'opposants libyens réfugiés au Caire. Des opposants prêts à créer immédiatement un gouvernement provisoire en exil. Les Égyptiens étaient dans le coup ? Très certainement. Et pourtant, comme les autres, cette tentative va échouer. La mutinerie est réduite et Shaibi est capturé et exécuté. Et sait-on alors pourquoi cette nouvelle tentative de putsch n'a pas réussi ? En dehors du fait que le pouvoir de Kadhafi était sans doute plus solide que les conjurés ne le pensaient, il y a une raison. Les services secrets libyens, sans doute avec l'assistance des Allemands de l'Est, avaient réussi à sonoriser un local où les comploteurs se réunissaient. On a aussi parlé de trahison. Un des conjurés aurait parlé. En tout cas, c'est encore un échec. Ça commence à faire beaucoup. En tout cas, ce nouveau ratage sonne le glas des tentatives de l'homme qui, au SDEC, coordonnait toutes ces opérations. Quelques jours après la débâcle de Tobrouk, le colonel de Marolles est limogé. Alors on renonce ? Non. Mais à Paris, on va mettre au point un plan d'une toute autre envergure. Mais est-ce que c'est encore le SDEC là, qui est maître chargé de la besogne ? Bien sûr. Mais auparavant, toujours en 1980, il y a eu une autre opération. Toutefois, comme elle fait toujours l'objet d'investigations judiciaires en Italie. Quoi ? 30 ans après ? Eh oui, 30 ans. Mais il faut dire qu'elle a causé la mort de dizaines d'innocents et que la vérité tarde toujours à se faire jour. Alors, si vous le voulez bien, on verra ça un peu plus tard. En attendant, parlons de ce plan d'envergure que je vous annonçais. Cette fois, les instigateurs voient grand et décident d'associer d'autres services de renseignement à la conception et la réalisation de cette nouvelle initiative. Alors, de quoi s'agit-il ? Le scénario est le suivant. Un petit matin, une escadrille de Mirage franchit l'espace aérien libyen. Destination Tripoli. Objectif, les principaux centres du pouvoir, mais aussi la villa de Kadhafi située près de la capitale. Et bien sûr, quelques bases militaires soigneusement repérées. Ouais, des mirages, mais attends, arborant quelles cocardes, là ? Des cocardes égyptiennes. Mais en réalité, les pilotes et les appareils seront tous israéliens. Dans le même temps, au sol, des éléments anti-Kadhafi infiltrés dans l'armée libyenne profiteront de la panique engendrée par ce bombardement pour s'emparer des sites stratégiques. Comment justifier une telle action de guerre ? Les services spéciaux impliqués, français, égyptiens, israéliens et plus discrètement états-uniens, ont tout prévu. Dès le début de l'attaque aérienne, de gros hélicoptères décollent d'une base située près de la frontière avec la Libye. Ils déposent dans le désert, en territoire égyptien, des blindés de fabrication soviétique, comme ceux qui équipent l'armée de Kadhafi, peints aux couleurs libyennes et sur lesquels on a effectué quelques tirs de lance-roquettes. Et pour faire plus vrai, on ajoute une poignée de cadavres revêtus de l'uniforme libyen. Ouais, pour faire croire à une attaque libyenne en Égypte. Naturellement. On fait venir les représentants de la presse internationale qui photographient, véhiculent les cadavres. Et ainsi, on justifie les bombardements aériens qu'on présente comme une simple action de représailles. Mais c'est en somme à grande échelle le plan suivi par les nazis lorsqu'ils ont décidé en 1939 d'entrer en Pologne. À peu près, oui. J'ajoute un dernier détail. Comme par hasard, le jour de l'attaque aérienne, la flotte américaine croise au large de la Libye pour dissuader éventuellement les soviétiques de se mêler de ce qui ne les regarde pas. Ça me paraît très habile, sinon très moral. Et pourtant, ce plan, à ma connaissance, n'a jamais été appliqué. Alors pourquoi ? Essentiellement à cause de l'élection présidentielle française. Qu'elle arrivait au pouvoir en 1980 de François Mitterrand ? Eh oui, lors de la passation de pouvoir à l'Élysée, Giscard d'Estaing a dévoilé 4 secrets d'État à son successeur. Et l'un d'eux était ce plan destiné à éliminer Kadhafi. Et Mitterrand n'a pas donné suite. Exact. Ce qui ne veut pas dire que le nouveau président n'agira pas fermement contre le guide libyen lorsque celui-ci continuera à semer le trouble dans le nord du Tchad. Oui, là, vous voulez parler des opérations militaires, la Manta et Épervier, hein, en 83 et 86. C'est ça. Ouais. Ben, sous Mitterrand, il n'y aura plus de réelle tentative d'éliminer physiquement Kadhafi. En fait, si je puis dire, la France a passé la main aux Américains. Le dirigeant libyen va devenir peu à peu la bête noire de Ronald Reagan. Oui, à cause du soutien que Kadhafi apporte aux organisations terroristes. Hein. Dont celle d'Abu Nidal. Alors, je vous passe les détails, mais les relations vont progressivement se tendre entre les deux pays. Ben, il faut dire que dans les années 80, on a tendance à attribuer à la Libye la plupart des attentats terroristes qui sont perpétrés dans le monde. Donc parfois à tort. Hein. Ben, enfin, ouais. Peu importe. Hein. Comme Giscard autrefois, Reagan est vraiment décidé à se débarrasser de Kadhafi, qui pour l'opinion états-unienne devient le diable en personne. En 1984, une tentative de coup d'État perpétrée par des exilés libyens aidés par les Américains se traduira par un véritable désastre humain. 75 officiers seront arrêtés et fusillés, séance tenante. Ah, ça veut dire alors que les Américains, après les Français, échouent. Et c'est pourquoi ils vont opérer différemment et tenter de pousser Kadhafi à la faute. Dès le mois de janvier 1986, la 6e flotte américaine croise au large de la Libye. Et des chasseurs-bombardiers F-111, basés en Grande-Bretagne, procèdent à des vols d'entraînement jusqu'au-dessus de la Turquie. Ouais, des avions donc qui pourraient être éventuellement chargés de frapper la Libye. Une manœuvre assez délicate, car ils devront être ravitaillés en vol à plusieurs reprises. Mais il est évident que c'est la présence de la 6e flotte qui irrite Kadhafi. Face à ce qui apparaît comme une incontestable menace, Kadhafi fixe une ligne de mort. Ça veut dire quoi, une ligne de mort ? Bah, c'est une ligne abstraite, empruntant le 32e parallèle, en deçà de laquelle ces avions ou ces bâtiments seront autorisés à ouvrir le feu en cas d'intrusion. Ce faisant, il élargit considérablement la limite de ces eaux internationales, puisque pratiquement tout le golfe de Sirte en fait dorénavant partie. Et sur le plan international, est-ce que c'est légal ? Bah, non, pas vraiment, mais la menace est là, bien réelle. Et je pense que Kadhafi a compris que cette fois, les choses étaient sérieuses. On ne déplace pas une telle armada pour faire des ronds dans l'eau. Toutefois, pendant quelques jours, il ne se passe rien. Les militaires américains procèdent à leurs manœuvres et c'est tout. Mais à partir de la mi-février, la situation devient plus tendue parce que les pilotes américains commencent à flirter avec la ligne de mort fixée par la Libye. Ouais. Et réaction en face alors ? Les MiG-25 libyens prennent l'air. On se frôle, on se jauge. Le moindre incident pourrait conduire à la déflagration. Et à Washington, on commence à s'impatienter. Ah oui, parce qu'on croyait que ce fou de Kadhafi aurait du mal à se contenir. Je le pense, oui. Alors les États-Unis en remettent une couche, si je puis dire. Un troisième porte-avions arrive sur zone au mois de mars. Et comme Kadhafi ne bouge toujours pas, ce sont les Américains qui vont se livrer à une provocation. Réellement une provocation ? Oui, parce que même si la ligne de mort de Kadhafi est fictive et pas très légale, les militaires de l'US Navy pouvaient s'abstenir de la franchir. Donc c'est clair, ils cherchent l'incident quand fin mars, des bâtiments américains entrent dans le golfe de Sirte et que simultanément, des chasseurs survolent la zone interdite. Réponse de Kadhafi ? Les batteries antiaériennes font feu. Mais les missiles sol-air, SAM-5, ratent leur cible. Reagan tient enfin le prétexte qu'il cherchait. Quelques heures après, la flotte américaine coule un patrouilleur libyen et l'aviation en profite pour détruire plusieurs radars et batteries de SAM-5. Ah ben c'est l'escalade là. Pas tout à fait, car Kadhafi, bien qu'il ait déjà perdu une centaine d'hommes, est bien conscient qu'il est incapable de riposter de manière efficace, tant la puissance de feu américaine est impressionnante. Mais il annonce toutefois son intention de se venger. Et ça, ça ne peut que satisfaire la Maison-Blanche. Et pourquoi ? Parce que les États-Unis pourraient enfin se livrer à de vraies représailles ? Et directement ou pas, Kadhafi va commettre la faute que Reagan attendait. Au début du mois d'avril, une bombe explose dans une discothèque de Berlin, fréquentée par les militaires états-uniens. Ouais. Vous avez dit directement ou pas ? Oui, oui, les services de renseignement américains affirmeront avoir capté des communications entre le bureau libyen à Berlin-Est et Tripoli. Mais aujourd'hui encore, on s'interroge sur la vraisemblance de ce message. Et il n'est pas impossible qu'Abu Nidal ait pris l'initiative de perpétrer cet attentat. En tout cas, Reagan tient enfin son prétexte et il ordonne à ses F-111 de passer à l'attaque. Et c'est ces chasseurs-bombardiers là, qui vont décoller de Grande-Bretagne. Et qui, en raison de l'interdiction de survol du territoire français, décidée par le président Mitterrand, doivent faire un long détour avant d'atteindre les côtes libyennes. Mais là encore, rien n'est clair. Pourquoi ? Parce que je pense que les Américains se sont affranchis de cette interdiction et ont pénétré notre espace aérien au niveau des Pyrénées. Alors, avec l'accord des autorités françaises ? Pourquoi pas ? Le résultat, en tout cas, c'est que le raid sur la Libye est effectué et que la caserne où Kadhafi réside avec sa famille est frappée. Le but étant clairement de tuer le leader libyen. Hein. Évidemment. Kadhafi s'en sortira de justesse. Mais l'une de ses filles trouvera la mort et il y aura des dizaines de victimes. Ça aurait d'ailleurs pu être plus grave, car quelques-uns des F-111 ont connu des problèmes et ont dû revenir à leur base. En tout cas, c'est quand même un échec, puisque Kadhafi en a réchappé. Certes, mais psychologiquement, au moins, Ronald Reagan a marqué un point, et chez lui, il grimpe dans les sondages. Quant à Kadhafi, il a subi un véritable traumatisme. Avec X, Patrick Pénaud sur France Inter. Libye, état terroriste, nul n'en doute dans les années 80. Mais il y en a d'autres, la Syrie, l'Iran. Alors pourquoi Reagan choisit prioritairement la Libye ? Dans le Monde diplomatique de mai 1986, Paul-Marie Delagorce explique que les États-Unis aient concentré leur action sur ce pays s'explique donc aussi par d'autres raisons. Celles-ci pourraient être de nature stratégique ou, si l'on préfère, géopolitique. L'administration américaine, en effet, met souvent en évidence l'implication dans le terrorisme européen d'autres pays tels que la Syrie et l'Iran. Ce n'est pourtant pas contre eux qu'elle a lancé ses bombardiers, mais contre les côtes libyennes. La Syrie dispose d'un redoutable arsenal de missiles anti-aériens et d'une assistance militaire soviétique qui est l'une des plus importantes hors des frontières de l'URSS. Et l'Iran, le plus grand et le plus peuplé des pays de la région, engagé dans un formidable effort de guerre contre l'Irak, est relativement moins accessible aux bombardiers américains. La Libye, au contraire, est évidemment le plus faible de tous les pays de la rive sud de la Méditerranée. Alors j'en viens à cette affaire qui occupe toujours la justice italienne. Les faits, d'abord. Le 26 juin 1980, un DC-9 de la compagnie Itavia, qui a décollé de Bologne, s'abîme en mer au large de la petite île d'Ustica, tout près de Palerme où il devait atterrir. Et bien sûr, les 81 personnes qui se trouvaient à bord ont péri. Et quelles explications donne-t-on à l'époque ? On ne peut qu'émettre des hypothèses. On évoque par exemple la possibilité d'une bombe placée à bord. Mais l'avion ayant décollé avec 2 heures de retard, cet engin explosif aurait dû détruire le DC-9 alors qu'il se trouvait encore sur l'aérodrome de Bologne. Autre fait curieux, 20 jours après le crash, on découvre dans la montagne calabraise la carcasse d'un MiG libyen. Et on fait un lien entre ces deux événements ? Pas tout de suite, non. Mais assez vite, les enquêteurs ont le sentiment qu'on veut leur cacher la vérité. Les autorités aéronautiques italiennes insistent lourdement pour prétendre que le DC-9 a été victime d'un incident technique. Quant aux militaires, ils refusent purement et simplement de communiquer les enregistrements effectués le jour de l'accident. Mieux, ils prétendront plus tard que les radars locaux ne fonctionnaient pas ce jour-là. Et c'était vrai ? Non, on s'en est rendu compte longtemps après. Alors, il y a donc une volonté de falsification. Mais il faut remarquer qu'en Italie, on se trouve encore à l'époque des années de plomb. Et on ne tardera pas à apprendre que les services secrets et la hiérarchie militaire ont été noyautés par la fameuse loge P2. En tout cas, là, je reviens à l'enquête, là. On n'a donc pas envie de savoir. Bon, en tout cas, c'est l'impression que ça donne. Ah, j'oubliais un détail très étrange. Le lendemain du drame, Kadhafi a présenté ses condoléances aux familles des victimes du crash dans un journal sicilien. Ouais, comme s'il avait une part de responsabilité dans cette affaire. Effectivement. Mais sur le moment, personne ne comprend. En 1987, l'enquête qui est au point mort connaît enfin un nouveau développement. Le juge, Priore, obtient que la carcasse de l'avion soit repêchée. C'est la société française Ifremer qui est chargée de ce travail. Et que constate-t-on alors ? Bon, on découvre d'abord des traces d'explosifs sur le fuselage. Et on s'aperçoit que la moitié d'une aile et le support d'un moteur ont été détruits. Une conclusion ? Eh bien, ça ressemble à l'impact d'un missile. Et alors, on ne peut plus parler d'incident technique. Mais si missile il y a eu, reste encore à déterminer qui l'a tiré. Premier élément de réponse en 1990. Un général des services secrets italiens affirme au juge que le missile a sans doute été tiré par un chasseur français. Mais un peu plus tard, ça n'empêchera pas une commission internationale de prétendre que c'est une bombe qui a provoqué le crash. Ouais, on veut embrouiller la justice, là. Ah, ça y ressemble. Mmh. Mais le juge Priore est un entêté. Et il est bien décidé à poursuivre son enquête. D'ailleurs, aujourd'hui encore, il poursuit ses investigations. Pourtant, on ne cesse de lui mettre des bâtons dans les roues. Et parfois, c'était excessivement grave. Par exemple ? Eh bien, curieusement, des militaires qui seraient susceptibles de donner des informations décisives au juge trouvent la mort avant de pouvoir témoigner. Assassinat, suicide, crise cardiaque. Au total, 14 personnes décèdent. C'est énorme ! Ah, je ne vous fais pas dire. En tout cas, ce magistrat n'a pas trop de mal à se persuader que l'armée et les services secrets connaissent la vérité et sont bien déterminés à ne jamais la livrer. Et dès 1990, il défère devant la justice des dizaines d'officiers pour mensonges et destruction de preuves. Et il obtient des résultats, des aveux ? Pas vraiment. Alors, en 1996, il frappe un grand coup. Il perquisitionne le domicile de l'un des anciens chefs des services secrets de l'armée, le général Goliando. Et là, il met la main sur des documents très intéressants qui établissent qu'il y a eu une bataille aérienne dans le ciel italien le jour du crash du DC-9. Et bataille entre qui et qui ? Des chasseurs français et des appareils libyens. Mmh. Et réaction de parieurs ? Le ministère de la Défense nie catégoriquement. Mais en 1997, nouvelle avancée. L'OTAN, qui dispose de bases dans le sud de l'Italie, accepte enfin de mettre à la disposition de la justice italienne des enregistrements effectués par ses radars le jour du drame. Et le juge Priore constate aussitôt qu'il y avait beaucoup de monde dans le ciel italien. 12 appareils de l'OTAN, des Américains, des Italiens et des Français. Et aussi 2 MiG libyens. En outre, un porte-avions américain se trouvait sur zone. Ouais, tout ça renforce l'hypothèse de la bataille aérienne. Hein. Naturellement. Et Priore imagine que le DC-9 aurait pu être une victime indirecte de cette bataille. Il aurait été abattu par erreur. Comme il est certain que les militaires italiens continuent à lui cacher la vérité, il inculpe 4 généraux, dont un ancien chef d'état-major. Tous sont soupçonnés d'avoir entravé l'action de la justice en lui fournissant de faux témoignages. Mais finalement, ils ne seront pas condamnés, car en appel puis en cassation, on arguera que les faits sont prescrits. Alors le juge a perdu la partie. Pas encore, vous allez voir pourquoi. En attendant, je dois vous dire que des pêcheurs remonteront à bord de leur bateau des morceaux de tôle provenant de l'épave d'un fantôme F-4 de l'armée de l'air américaine. Mmh. Nouvelle preuve alors qu'il y a bien eu une bataille aérienne. Mais les autorités états-uniennes prétendront qu'il s'agit d'un avion qui s'était égaré dans le brouillard et qui, à court de carburant, se serait crashé en mer. Quoi qu'il en soit, en 2008, on assiste à un véritable coup de théâtre. L'ancien président italien, Francesco Cossiga, déclare soudain qu'à l'époque où le drame du DC-9 s'est produit, il a été informé par les services secrets que l'appareil avait été abattu par des chasseurs français. Et il a attendu, le président, l'ancien président, il a attendu 28 ans pour le dire. Oui, bon, je sais, c'est bizarre. D'autant que le personnage a été l'un des acteurs clés des années de plomb. Au moment de l'affaire Aldo Moro, il était ministre de l'Intérieur. Mais notez bien que Cossiga renouvellera cette accusation en 2010, juste avant de mourir. Et quelle est alors la conséquence de cette révélation tardive-là ? Le parquet de Rome a aussitôt décidé de rouvrir l'enquête et d'adresser de nouvelles commissions rogatoires à la France et aux États-Unis. Et on en est là pour l'instant, mais on aura peut-être l'occasion de reparler de cette affaire. Alors, j'imagine que vous avez forcément une explication. Ah ben, seulement une hypothèse. Mais j'ai la faiblesse de croire qu'elle est très crédible. Je vous écoute. Je précise que nous avions déjà évoqué ensemble cette affaire d'Ustica et que les révélations de l'ancien président Cossiga n'ont fait qu'apporter de l'eau à mon moulin. Alors voilà, en juin 1980, les services secrets occidentaux apprennent que Kadhafi doit se rendre en avion à Varsovie. Et il aurait été décidé d'abattre son avion. Un ou plusieurs chasseurs positionnés sur une base de l'OTAN en Sicile sont prêts à passer à l'action dès que la nouvelle du décollage de l'avion du colonel sera annoncée. Mais et les Français ? La base corse de Solenzara n'est pas très loin. Quand le feu vert est donné, les chasseurs décollent. Mais tout se complique quand ces avions se trouvent pratiquement nez à nez avec deux MiG-23 libyens. Et d'où viennent-ils ceux-là ? À mon avis, ils escortent l'appareil qui transporte Kadhafi. Une escorte de protection. Oui, certainement. Et immédiatement, la bagarre s'engage. Une bataille inégale, parce que les MiG libyens ne sont pas de force face à des chasseurs occidentaux modernes. Et l'un, au moins, des appareils libyens, pour échapper à son ou ses agresseurs, va ruser. Il profite du passage d'un DC-9 italien pour tenter de confondre sa trace thermique avec celle de l'appareil commercial. Ce MiG-23, enfin le pilote, essaie donc de leurrer ses agresseurs. Et lorsque l'un de ceux-ci tire, sans doute un appareil français, son missile atteint non pas l'avion libyen, mais le DC-9 italien qui a sans doute été touché au niveau de l'un de ses réacteurs. Et l'autre MiG alors ? Il s'agit vraisemblablement de celui dont on a retrouvé la carcasse en Campanie. Celui-là a donc été abattu. À moins qu'il n'ait effectué une fausse manœuvre pour échapper à ses assaillants. Mais est-ce qu'on ne peut pas imaginer que ce soit l'un des deux MiG qui est tiré sur le DC-9 italien? On en a effectivement parlé, mais je n'en sais pas plus. En tout cas, ce qui est notable, c'est que Kadhafi, lui, est arrivé à bon port à Varsovie. Grâce à cet engagement aérien, son appareil a pu poursuivre son vol sans encombre. L'affaire d'Ustica, comme on a pris l'habitude de la nommer, demeure donc d'actualité. Et en juillet 2010, on peut lire ceci dans un article du Figaro. Pour le président Giorgio Napolitano, les procès n'ont pas fait toute la lumière sur Ustica. Il dénonce les intrigues internationales et l'opacité du comportement de certains corps d'État qui ont occulté la vérité et appelle de ses voeux un effort supplémentaire pour reconstituer les faits de manière exhaustive et dissiper les ombres. À samedi prochain, avant de nous quitter, je vous signale « Au cœur de la Libye » de Kadhafi, l'ouvrage d'un ancien diplomate, Patrick Mzadeh, très bon connaisseur de la Libye, un livre qui vient de paraître chez Jean-Claude Lattès. Sur franceinter.com, vous pourrez réécouter cette émission et la podcaster. Rebecca de Nantes l'a préparée. Merci aussi à Michel Billoux qui l'a réalisée et Monsieur Djoub qui, comme à l'habitude, y a ajouté ses petites notes. Tout de suite, après le flash, un peu de verre. CO2, mon amour, de Denis Chessou.